Ce n'est pas la peine de vous présenter, que vous me présentiez vos condoléances, n'est-ce pas? Je ne suis pas le fils de Robert Castel, je ne l'ai jamais été et je ne le serai plus jamais, désormais. Hein, voilà, donc qu'on se le dise. Mais non, je vais vous dire, la seule fois que j'ai rencontré Robert Castel, j'ai dit bonjour, la première chose que j'ai dit, c'est bonjour monsieur, vous n'êtes pas mon père. C'est un peu désarçonné comme ça. Mais voilà, hein, ça fait 30 ans que ça dure, il était temps qu'il y mette un terme. Alors, qu'est-ce qui est thérapeutique? Je vais repartir. Je vais repartir de ce que j'avais dit donc la dernière fois, où j'avais eu en plus l'impression de toucher un truc que je n'arrivais pas à atteindre depuis un bon moment, sur les états limites, sur la question de la limite, sur la question de la limite en termes bioniens. En disant que j'aimerais bien, puisque je sais qu'il y a ici des gens qui travaillent notamment avec des enfants et des adolescents, que quelqu'un ici si quelqu'un avait envie de réagir à ça en parlant d'une histoire d'adolescent ou d'une histoire d'enfant, c'est surtout des adolescents, des jeunes gens qu'on classe dans les états limites auxquels il aurait été confronté institutionnellement, dans sa pratique privée, et puis qu'il fasse un peu état des difficultés et de l'intérêt qu'il a pu y trouver. Je trouverais ça très bien, en fait, qu'on mêle à cette discussion sur ce qui est thérapeutique, puisque vraiment les borderlines, c'est souvent des problèmes. Il est difficile de ne pas soigner les gens, parce que sinon, l'analyse s'arrête, parce que les gens se font trop de mal. J'accueillerais vraiment volontiers que quelqu'un vienne raconter des histoires sur ce qu'il aurait rencontré à ce sujet. Alors, je vais reprendre cette notion d'état limite en essayant de vous indiquer un petit peu la nature de ce qu'on pourrait en voir en termes bioniens. Et en vous rappelant un certain nombre de choses que j'avais écrites dans la postface que j'avais faite à la preuve sur les 7-7, enfin la période épistémologique, comme on dit, de Bion, en travaillant sur, vous savez, cette espèce de chose très curieuse que dit Bion, selon lequel, pour lui, c'est pas tellement l'opposition conscient-inconscient qui détermine la question... C'est pas tellement la question conscient-inconscient, enfin c'est pas, si, elle la détermine assurément, mais pour bien la comprendre, il faut la prendre de plus haut, et de plus haut, de plus large, à travers l'opposition entre fini et infini. Ce qui est évidemment tout à fait singulier, puisque ma connaissance dans l'histoire de la psychanalyse, il est le seul à prendre les choses de cette manière. Sauf que l'infini dont parle Bion, c'est un infini bien particulier, qui est ce qu'on appelle l'infini potentiel, qui est présent à l'origine de des premières conceptions de l'infini, comme l'illimité, hein, ce qu'on appelle la peiron en grec, hein, puisque sont les Grecs qui pour la première fois introduisent, hein, cette espèce de notion d'apeiron comme illimité, avec d'ailleurs en grec, dans la philosophie grecque, une sorte d'ambiguïté particulière, puisque c'est l'illimité, c'est ce qui est en puissance, hein, je vais dire Aristote, mais c'est toujours quelque chose qui est inachevé, hein, au sens de l'inachevé, et donc d'imparfait. Mais d'imparfait au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de ce qui n'est pas allé, ou ce qui n'a pas été, de l'imperfectus, c'est-à-dire de ce qui n'a pas été fait jusqu'au bout et complètement accompli. Donc il y a toujours cette dimension d'inaccomplissement dans la peiron, qui est une dimension qu'il est très difficile d'éliminer du mot grec. Et puis, par ailleurs, une dimension qui nous est aussi très difficilement accessible, surtout en français, c'est la dimension du processuel. Hein, c'est vraiment, vous savez que vous ne savez pas, mais enfin bon, je vous explique dans ce cas que le grec classique, c'est une langue dans laquelle les modalités ont une famille, une expression morphémique des modalités qui est extrêmement riche, hein, Il y a des choses très difficiles à traduire, comme l'aoriste, par exemple. L'aoriste, c'est étymologiquement, ça veut dire à peu près la même chose que la peyronne. C'est quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de bord, d'horos, en quelque sorte. Et qui indique, en quelque sorte, qu'un processus se continue, mais qui marque la simple continuité du processus en tant que tel. Et c'est souvent très difficile à rendre, parce que notre indicatif, si vous voulez, en français, écrase beaucoup de nuances de ce genre. En revanche, en grec, c'est très frappant. Et par exemple, pour vous donner une idée, c'est un exemple que je cite d'ailleurs souvent, il existe une modalité particulière du discours en grec, où on utilise des verbes avec des morphèmes de conjugaison spécifiques, qu'on appelle l'aoriste gnomique, qui est, quand vous lisez, vous avez l'impression de traduire par un passé, vous devez traduire par un passé. Et en réalité, c'est spécifiquement réservé à des expressions qu'on a envie de traduire de manière proverbiale. Quand quelque chose est proverbial, quand quelque chose a été toujours vrai, est toujours vrai et sera toujours vrai, par exemple, on utilise cette modalité très particulière qu'on ne peut pas traduire par un passé. Ce qui fait que, vous voyez, quelquefois, le décalage des langues rend insensible à ces choses-là. Alors, la peyronne, que je rattacherais linguistiquement, hein, aussi donc à l'idée d'inaccomplissement, mais à l'idée de pur procès, hein, le procès qui dure comme ça, qui s'étend indéfiniment, justement, dans le temps, en quelque sorte, et qui est très présent dans les marques de la langue grecque, cet infini potentiel sert à Aristote à travailler la notion même d'infini, notamment dans sa philosophie des mathématiques, parce qu'il fait observer qu'il n'y a pas de quantité arithmétique dont on ne puisse pas toujours concevoir par addition, hein, qu'il y a un terme plus grand. Hein, ça donne l'impression comme ça qu'on peut toujours aller plus loin dans le dénombrement des nombres, en quelque sorte. Que c'est illimité, il n'y a pas de nombre plus grand, ce qui n'est pas une affirmation, il n'existe pas de plus grand entier naturel, c'est une sorte d'impossibilité, hein, sur le concept même d'entier naturel. C'est l'idée qu'il y a une possibilité, toujours, qu'il y a une possibilité de la chose même et de la pensée de la chose, de concevoir plus grand. Et puis, la possibilité, quelle que soit une quantité donnée, d'en trouver par division une plus petite. Et donc la division et l'addition sont des expressions de cette infinité potentielle de chaque quantité. On peut toujours les diviser. Et c'est par là qu'Aristote essaie d'appréhender la difficile question du continu. Bon. Et c'est ce qui rend d'ailleurs très complexe à la pensée antique, comme vous savez, de penser quelque chose comme le vide, par exemple. C'est vraiment le vide physique. C'est jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'aux fameuses expériences de Pascal, dans le Massif central, c'est quelque chose de tout à fait compliqué à envisager, parce qu'on a l'impression qu'il appartient au concept de matière, qu'on puisse toujours couper en deux, couper en deux, couper en deux, couper, etc., ou ajouter des quantités supplémentaires. Alors, cet infini potentiel se distingue d'un autre infini, qui est un infini dont l'origine est théologico-mathématique, qui est essentiellement formalisé à partir du XVIIe siècle, enfin formalisé, appréhendé à partir du XVIIe siècle, qu'on appelle donc l'infini actuel. Alors, de l'infini actuel, c'est justement un infini qui a une positivité interne, qui est par exemple l'infinité de Dieu, et qui est essentiellement lié, dès le début de la pensée chrétienne de l'infini, et je dirais dès son premier grand penseur chrétien, qui est peut-être moins Augustin que Jean Duns Scott, au problème de la création. Alors, cet infini actuel, je vais vous en donner une illustration qui reviendra après, mais qui est très, très connue, c'est par exemple la possibilité de dire qu'il y a un nombre, un cardinal infini des entiers naturels. Les entiers naturels, bien sûr, on peut toujours trouver un entier naturel qh, qui soit euh, plus grand que, dont le cardinal soit plus grand que l'entier naturel précédent. Il n'en reste pas moins, c'est la fameuse découverte du transfini chez Cantor, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, il n'en reste pas moins qu'il existe un cardinal des entiers naturels qui est, vous savez, ce qu'on note classiquement avec la lettre grecque Aleph, hein, et qui est le premier des transfinis. Et en fait, c'est une théorie extrêmement forte hein, qui a la théorie des transfinis, parce que son pilier, en quelque sorte, c'est que les deux premiers Aleph, hein, Aleph 0, Aleph 1, le cardinal des entiers naturels et le cardinal des nombres réels, une des hypothèses fondamentales des mathématiques contemporaines, c'est qu'il n'existe pas d'infini d'une sorte de degré ou de richesse de texture intermédiaire entre les entiers naturels et la droite réelle. L'infini propre au point de la droite réelle et l'infini propre au 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire des entiers naturels, ce sont deux infinis qui sont irréductibles l'un à l'autre, mais il n'en existe pas un qui serait entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a Aleph 0, Aleph 1, et qu'on ne peut pas, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du continu, qui est une hypothèse tout à fait fondamentale des mathématiques contemporaines, sur laquelle reposent des pans entiers de l'analyse contemporaine, il n'existe rien d'autre. Il n'y a pas d'infinité entre ces deux infinités-là. Par exemple, on peut montrer que les fractions, par exemple, hein, qui donnent l'impression d'un demi, un tiers, un quart, etc., qui semblent être plus nombreuses, hein, je vous donnerai quelques exemples amusants de ce sujet, que les entiers naturels, hein, puisqu'il y a un entre un et deux, il y a bien un demi, un tiers, un quart, etc. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de fractions qu'il n'y a d'entiers naturels. Il existe un moyen, que d'ailleurs je vous montrerai, de montrer que c'est justement faux, qu'il n'y a pas plus de fractions. Alors, c'est un procédé que vous avez sûrement vu dans un manuel élémentaire de logique, n'est-ce pas ? Vous mettez les nombres comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, ça continue. Ici, vous pouvez descendre en mettant 2, 1, 2 tiers, 1 demi, 2 cinquièmes, etc. Donc vous avez partout sur ce tableau, en le construisant, 3 demi, 1, le 1 évidemment est sur toute la diagonale, 3 quarts. La totalité des fractions qu'on peut écrire se trouve inscrite là-dessus. Et donc on a l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup plus de fractions qu'il n'y a d'entiers naturels. Oui, non ? Donc vous avez le droit de si vous voulez. Vous voyez, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, c'est ça ? Alors maintenant, l'idée toute simple, c'est que celle-là, vous l'appelez 1, celle-là, vous l'appelez 2, celle-là, vous l'appelez 3, celle-là, vous l'appelez 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et en réalité, vous avez un chemin qui passe par toutes ces fractions, et ce chemin vous montre bien qu'en réalité, toutes ces fractions, il n'y en a pas plus que 1, 2, 3, 4, parce qu'il n'y a aucun endroit où le chemin ne passera pas. D'accord ? Donc ça, c'est une des... Alors, c'est un tout petit peu plus difficile sur certains exemples, parce qu'il faut, et il faut montrer, il y a une célèbre courbe, je ne vais pas rentrer, il faut montrer, par exemple, qu'il existe une courbe qui peut passer par tous les points du plan, par exemple. Bon, c'est pas tout à fait facile à représenter. C'est ces techniques-là, qui sont des techniques de diagonalisation, montrent que tous les ensembles que vous pouvez construire, qui vous donnent l'impression qu'entre les entiers naturels et les points de la droite réelle, il y a des puissances d'infini qui sont supérieures aux entiers naturels, mais inférieures à celles de la droite, en réalité, c'est pas vrai du tout, se laisse réduire, hein, comme ça, par une technique de ce genre. Donc c'est une hypothèse tout à fait forte. Alors, la question de l'infini actuel, elle était logique pour une raison qui est très simple, c'est que s'il y a un Dieu créateur chrétien, il faut qu'il crée tout d'un coup. C'est-à-dire que la totalité, hein, c'est pas simplement que la création doit être ex nihilo, hein, la conscience, mais qu'elle doit être ex nihilo ad totum infinitum. C'est-à-dire que c'est la totalité qui est créée. Ce qui suppose donc que quelque chose permette de penser l'infinité actuelle des êtres qui sont dans le monde comme étant créé par un acte, un fiat, une première parole, qui a immédiatement une sorte de capacité à maîtriser et à donner dans son infinité même l'infinité des choses. C'est la raison justement pour laquelle il n'y a pas, et il est même impensable, il était même d'ailleurs, pour, quand les premiers philosophes antiques ont découvert les divagations de cette secte de chrétiens, de judéo-chrétiens, qui prétendaient faire de la théologie, ça suscitait une sorte d'incompréhension entre l'hilarité et l'angoisse, de penser la création. L'idée même de création de la nature, la création de quelque chose qui est fondamentalement une puissance qui s'actualise et qui n'arrive à un terme que idéal, où l'acte est à la fin, et non au début, il est au début logiquement, mais il est à la fin chronologiquement, c'était quelque chose qui était complètement impensable. Or, la notion d'infini actuel est intrinsèquement connectée avec l'idée de création ex nihilo. Bon, alors, je vous rappelle, comme ça, pour mémoire, pour ceux d'entre vous qui ont parcouru Lacan, l'importance très très grande que Lacan donne à cette idée de création, comme étant justement l'opération par excellence du signifiant. Le fiat, la première parole, le fiat lux, qui est vraiment quelque chose où, par la puissance de la parole, le signifiant est ce qui crée par excellence, et ce qui donne au réel sa caractéristique fondamentale de réalité. C'est la création de la réalité dont il s'agit, de la totalité de la réalité. Alors pourquoi ce détour qui nous met comme ça, semble-t-il, des lieux de ce qu'on peut appeler un état limite, les questions qui se posent aux adolescents, etc. C'est parce qu'il y a une vision très convaincante, je trouve, de l'adolescence, cliniquement très très convaincante, qui est que c'est pas simplement que l'adolescence est un âge où on teste les limites. Bon. Après tout, on pourrait dire que les petits-enfants aussi testent les limites. Les enfants qui ont 2 ans, 3 ans, il y a un moment qu'on appelle d'ailleurs l'adolescence des petits, à 18 mois, dans les premiers moments de parole d'ailleurs, ils vont voir si l'adulte en face, jusqu'où on peut aller. Mais c'est que la limite qui est, semble-t-il, spécifiquement testée à l'adolescence, c'est la limite en tant que limite. Et particulièrement la loi, l'autorité, la différence des sexes, les limites imposées par l'obligation de subordonner plus ou moins la jouissance. Celle qui est la mieux tolérée fondamentalement, c'est la jouissance sexuelle tempérée, discrète, etc. Mais surtout pas l'alcool, la drogue, etc. Et une manière de décrire l'adolescence, c'est de dire que c'est le moment où on y rencontre le signifiant phallique vraiment comme un signifiant, c'est-à-dire comme quelque chose d'arbitraire. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire à un adolescent de se taire, de faire ceci, et il veut dire, mais pourquoi ? C'est le moment où, justement, on peut poser la question du pourquoi, sur quel est le fondement du fondement qui est censé être la loi, par exemple. Et cette espèce de saisie, je crois, adolescente, de l'arbitraire du signifiant, qui peut aller très loin, n'est-ce pas ? Dans plein de cultures, par exemple, on autorise les gens, l'adolescence, à changer leur nom, par exemple. Et il y a certains adolescents qui ne se gênent pas pour changer leur nom, par exemple. C'est une espèce de perception extrêmement frappante qu'à la fois il y a un ordre, qu'on ne peut pas sortir de cet ordre, mais que partout où on s'arrête sur un point particulier de cet ordre, il apparaît dans son arbitraire. Et que donc il semble suspendu à un arbitraire généralisé qui vient électivement, en tout cas dans les représentations culturelles, c'est même par là qu'on s'aperçoit de la puissance de la culture sur les adolescents, portée sur des signifiants comme ceux de la différence des sexes, de l'autorité du père, du nom propre, de la création de son nom, etc. etc. La forme classique hein, que prend la mise, la forme littéraire classique que prend, c'est ce qu'on a, la mise en question donc, du signifiant phallique comme arbitraire à l'adolescence, c'est le Bildungsroman. Hein. C'est le. Alors, le Bildungsroman, c'est les souffrances du jeune Werther, non, les années de voyage de Wilhelm Meister, hein, de Goethe, qui sert un peu alors, de vous savez, l'adolescent voilà, qui va partir. En général, c'est un motif extrêmement connu dans la culture. Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger. Est-ce que par hasard, vous aviez un ordinateur portable à nous prêter ? Moi, j'ai une tablette. Ça n'ira c'est pas. C'est pour un lecteur, c'est pour mettre un DVD. Non, j'ai pas. Voilà. Excusez-nous. Je vous en prie. Et dont la dernière figure, comme son nom l'indique, c'est l'éducation sentimentale, voilà, hein, de Flaubert. Alors ensuite, il y en a plein. Il y a le jeu des perles de verre, Hermann Hesse, tout ça. C'est une figure extrêmement classique dans laquelle vous avez, à la jeunesse, autour de la jeunesse, la mise en évidence de la prégnance du signifiant phallique sous toutes ses figures, hein, à travers sa mise en question comme arbitraire dans un âge de la vie singulier qui est l'adolescence et la jeunesse. C'est très important parce que les borderline, vous voyez, c'est quelque chose qui ne peut émerger que dans une culture où il n'y a pas de roman de formation. C'est une culture de gens extrêmement malheureux qui n'ont pas lu la phénoménologie de l'esprit à 13 ans. Et il y en a malheureusement de plus en plus, des gens qui n'ont pas lu à 13 ans la phénoménologie de l'esprit. Et on voit les ravages que ça exerce d'ailleurs sur la culture contemporaine. Et c'est parce que la phénoménologie de l'esprit, c'est l'accomplissement formel du projet même, hein, de l'odyssée de la conscience malheureuse. C'est, vous aurez n'importe quel manuel de philo, l'appropriation philosophique abstraite du Bildungsroman. La catégorie même chez Hegel de Bildung est entièrement mobilisée par Hegel, récupérant la notion antique de paideia. Or, un monde où il y a cela, c'est un monde où les actes, les passages à l'acte, ouvrez Goethe, hein, c'est le suicide dans la déception amoureuse. C'est vraiment le surcodage phallique de la transgression, instituant la subjectivité dans le moment où de l'arbitraire, hein, où elle rencontre l'arbitraire du signifiant phallique, c'est surcodé de manière extrêmement particulière. Et c'est souvent ce qui donne l'impression que les borderline appartiennent à une constellation culturelle très, très spécifique. Une mesure prophylactique qui m'est arrivée d'employer avec les jeunes gens suffisamment alphabétisés quand il en reste avant qu'ils n'entrent dans la phase de passage à l'acte, c'est de leur donner des choses comme des romans de formation. Il y a un truc qui marche très bien pour ceux d'entre vous qui ont affaire à des adolescents intelligents et dont vous sentez que ça va partir en vrille, c'est un livre de... Ça va vous dire quelque chose, ça s'appelle Sous le règne de Bone. Ça vous dit quelque chose, ça vous avez... De Russell Banks, je crois. Hein? Ah c'est oui, ça me dit quelque chose. Hein? Ouais. Voilà, qui est un très très bon truc pour les garçons, les filles de 13 ans. Hein? Parce que c'est justement une injection... voilà, prophylactique de signifiant de Bildungsroman, à peu près lisible par des adolescents d'aujourd'hui. Et où il y a vraiment, je crois, BONE, hein, c'est un roman d'ailleurs qui est un vrai roman de formation, parce qu'il a suscité l'indignation de la droite américaine, et ça ne trompe pas, parce qu'effectivement, il y est question, hein, on parle vraiment à un adolescent de 13 ans. Ça commence d'ailleurs très finement, le gamin, je vous dis le début, vous verrez la suite, le gamin, il rentre dans la chambre de ses parents et dit « Où sont les cassettes porno ?» Il a 13 ans et il fouille, il dit « C'est pas possible, où est-ce qu'il les planque ?» Donc je trouve que c'est un très très bon début, et ça ensuite il va partir en bicyclette, voilà, c'est une fugue. Hein en bicyclette. Il part en bicyclette. C'est un roman actuel. Oui, oui, absolument, oui, tout à fait. Ah, absolument. Mais ça se passe dans une sorte, bah, vous verrez comment ça se passe. Mais c'est une... Mais est-ce que, par exemple, le Parker de Saint-Germain... Oui, ça a eu tout à fait ce rôle. Ça a eu tout à fait ce rôle. Mais la frappe-cœur, je n'ai jamais réussi à le faire lire par des gamins. Et Mars de Ernst. Mais il n'est pas bien traduit. Hein. C'est possible. Bon, mais en tout cas, il y en a, hein, je dis qu'il y en a. Je vous dis juste ça comme, comme je vous donne une recette de tisane. Hein, c'est juste pour... voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut avoir égard quand on voit... quand on a l'impression qu'il manque une case, comme on dit à ces adolescents. La case qui manque, elle est extrêmement... elle pourrait bien être très bien circonscrite par cette production esthétique singulière qu'est le roman de formation. Et le fait que le roman de formation ne prenne pas, soit difficilement admissible, c'est assez, assez singulier. Alors, cette adolescence, c'est ce qui fait, vous voyez, qu'il y a dans ces modalités de la rencontre avec l'arbitraire du signifiant phallique... vous donne toutes sortes de descriptions déficitaires. Finalement, il y a l'errance adolescente, l'ambiguïté sexuelle, la recherche de la transgression, et puis les bornages plus ou moins sauvages qu'avec sur un ton un peu moralisateur, nous reprochons aux gamins, hein, c'est-à-dire que ça aille de la consommation toxique aux différents passages à l'acte, aux automutilations, etc. Alors, évidemment, on peut toujours se réfugier dans l'idée clinique qu'il y a une dangerosité bien connue du premier rapport sexuel. C'est quand même régulièrement un déclencheur de psychose chez les adolescents. Mais qui est, je dirais presque anecdotique ou folklorique. Alors, pourquoi je parle de cette représentation de l'adolescence comme rencontre du caractère arbitraire du signifiant phallique ? Parce que le signifiant phallique... c'est ce signifiant qui n'est pas un des signifiants de la langue, mais qui est un signifiant surnuméraire, si j'ose dire, un signifiant en plus, qui est celui qui donne à la langue dans son entier son sens sexuel. Mais qui lui-même n'est pas... c'est pas phallus, hein, c'est pas la lettre phi, etc. Il fonctionne, enfin on peut l'attraper grâce à une lettre, essentiellement grâce à une lettre, il ne peut pas être un mot de la langue, hein, il fonctionne comme une lettre. Et il est ce signifiant en plus qui introduit dans le système des différences de la langue le caractère, l'effet de sens sexuel de tout dire. Quelles que soient les choses que vous dites, si elles ont un sens sexuel, c'est en référence à ce signifiant qui est le signifiant phallique. Et par là... il confère en un sens, hein, et c'est ça que je veux marquer, à la totalité signifiante, chez Lacan, le caractère d'une infinité actuelle. Parce qu'il fonctionne comme la borne, quelque chose comme la borne, en un sens, une sorte d'aleph, hein, qui l'aleph étant lui-même un entier naturel, simplement l'extension de l'aleph, c'est l'ensemble, par exemple, des entiers naturels. Il borne cette totalité signifiante en indiquant non pas son plus grand nombre, mais la limite qui fait que la langue est sexuelle. Donc la langue est traversée de significations qui phallicisent tout effet de sens, qui donne un caractère sexuel à un effet de sens. Alors, il s'agit bien sûr d'une idée que Lacan introduit dans les années 50, alors qu'il l'introduit de plein de formes différentes, d'ailleurs en disant souvent une chose et puis aussi son contraire, mais qui est un petit peu, si vous voulez, la première phase de Lacan, le moment où Lacan pense qu'il y a un autre de l'autre, hein, que le nom du père, c'est ce qui verrouille, hein, la possibilité qu'il y ait justement un autre de l'autre, et qu'on puisse, en quelque sorte, introduire un ordre, une consistance interne dans le champ des signifiants au sens psychanalytique du terme. Il y a ensuite, comme vous savez, une autre conception chez Lacan qui est articulée sur justement l'abolition de la possibilité qu'il y ait un autre de l'autre et qui aboutit à la conception du patou, mais je ne vais pas du tout arriver là-dessus. Toujours est-il que le signifiant phallique, le grand phi, il intervient vraiment dans la façon dont Lacan semble se représenter le langage et la manière dont le langage a des effets sur nous. Il semble bien intervenir dans le cas d'une certaine représentation de l'infini et de la totalité, de l'actualité de cette totalité qui est totalement antagonique avec la représentation d'un infini potentiel. Une chose, par exemple, que je voudrais bien mettre en évidence, c'est que j'ai insisté sur l'aspect souvent déficitaire des descriptions des borderlines, n'est-ce pas ? L'errance, l'ambiguïté sexuelle, les transgressions, les passages à l'acte, etc. Il rencontre cet arbitraire du signifiant phallique qui ne doit pas être arbitraire, ne devrait pas être arbitraire. On oublie aussi souvent que l'adolescence, classiquement, impliquerait ou devrait impliquer la mise en place d'un ancrage pour ce qui serait transcendant. Par exemple, les questions que les adolescents se posent sur Dieu montrent bien qu'ils semblent être à l'âge où la mise en question de l'existence de Dieu, par exemple, ou bien au contraire le choix d'ancrer une position subjective dans la référence à Dieu, par exemple, leur donne accès à un signifiant qui est transcendant par rapport à l'ensemble des signifiants de la langue, l'ensemble des pratiques, des gestes, des habitudes qu'ils prennent, etc., et qui est, au fond, la niche à l'intérieur duquel va pouvoir être logé l'idéal. Et sans cette possibilité, vous voyez, de creuser cette niche transcendante, ce point hors du monde, hors du sens, d'où le monde prend sens, en quelque sorte, on a l'impression qu'il leur manquerait quelque chose comme un arrivage, parce qu'ils n'auraient pas le lieu où ériger, notamment l'idéal paternel, comme quelque chose qui puisse être un objet d'identification. Et donc, le passage de flottement entre l'arbitraire du signifiant phallique et la possibilité pour le signifiant phallique de se mettre à fonctionner comme transcendant, hein, comme si la transcendance était la réponse à l'arbitraire, comme s'il y avait entre le passage de la transcendance du signifiant phallique, de l'arbitraire du signifiant phallique à la transcendance du signifiant phallique, une sorte de chemin électif et de chemin normatif, verrouille la possibilité de donner à l'univers dans lequel les gens évoluent un sens articulé autour de la signification sexuelle et des grands idéaux, et notamment du père, hein, qui est celle qui va compter. Et c'est d'ailleurs des choses que vous qui sont assez banales dans le... au moins, je ne dirais pas forcément dans l'expérience clinique, à proprement parler, parce qu'on voit quand même relativement moins cela, mais en tout cas dans la culture, hein, cette espèce de passage de la transition de l'arbitraire à la certitude d'une transcendance qui donne sens au monde. Voilà, j'ai trouvé un sens à ma vie, c'est en réalité que j'ai installé en dehors du monde un point de transcendance où je peux loger mes idéaux à l'abri. Hein, c'est ça le point clé. Alors, il va de soi que cette théologie naturelle, hein, d'une certaine manière, il y a un élément de théologie naturelle et dans la reconfiguration du monde signifiant à l'adolescence, et qui dure très longtemps, n'est-ce pas, hein, qui fait que, après que la jeunesse sert à chercher le sens de la vie, enfin, tous ces... ces trucs qui sont quand même très présents, même dans le discours le plus banal, reposent donc sur une certaine idée de l'infini. Or, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la notion de limite, hein, de dépassement, d'infini, d'illimité, etc., que Bion a mis en circulation dans la psychanalyse, par certains aspects, retrouve et s'oppose, par d'autres, à des conceptions très classiques de l'infini. D'abord, Et je vais m'appuyer sur des comparaisons que vous pourrez regarder si vous allez lire du Jean Duns-Scott. Il y en a plein de disponibles. Il y a des résumés absolument partout. Je ne vais pas dire des choses exceptionnellement rares sur Duns-Scott. Ça s'écrit D-U-N-S, plus loin S-C-O-T, Duns-Scott. Une des thèses fondamentales de Duns-Scott, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur la forme du mot infini. On a l'impression que le mot infini est construit comme une négation du fini. En réalité, c'est exactement l'inverse, dit Duns-Scott. C'est l'infini qui est le terme positif et le fini qui est le terme négatif. Du point de vue du Dieu créateur, il n'y a rien de plus clairement conçu que cet infini. C'est celui qui est positif. Et les créatures, tout ce qui est de l'ordre du créé, est une limitation par rapport à l'infini de la puissance divine. Et ça, c'est assez particulier parce que ça vous, c'est exactement la démarche inverse de ce qu'on appelle quelquefois la théologie négative. La théologie négative, ça consiste à partir du fini et à nier tous les prédicats du fini pour essayer de constituer l'infini par suréminence, en rejoignant la transcendance de quelque chose qui serait obtenu par négation successive de chacun des termes finis. C'est-à-dire que s'il y a une limitation quelconque, Dieu est justement la négation de cette limitation. Et ça aboutit, hein, dans la tradition grecque, hein, la théologie grecque notamment, à des techniques d'argumentation théologique qui sont en même temps des exercices spirituels et qui sont des techniques mystiques, hein, d'effacement et de dépassement progressif de toutes les limitations, des limitations de la pensée, de l'âme, etc., avec une issue mystique et extatique. Là, pas du tout. Chez Jean Duns-Scott, la force de l'affirmation anti-grecque, opposée à l'Antiquité, de la notion même de création, revient à poser que le terme positif, c'est véritablement l'infini. Et ça suppose, du coup, une sorte de théorie cognitive tout à fait particulière, c'est qu'il ne saurait qu'y avoir une distinction modale, et pas une distinction réelle, hein, entre par exemple, l'intelligence chez Pierre et l'intelligence chez Dieu. C'est que celle que l'on conçoit le plus clairement, c'est l'intelligence chez Dieu. Et de manière imparfaite, et par diminution, réduction, finitisation, vous avez ensuite l'intelligence de Pierre, de Durand, etc. Or, c'est assez singulier parce que cette clarté dans le rapport à l'infini, cette idée qu'on ne peut avoir de pensée claire que lorsqu'il s'agirait au fond des prédicats infinis qu'on attribue à Dieu, elle est une cognition si spéciale qu'elle est identique à une foi. C'est pas vraiment une connaissance empirique, une connaissance qui serait du fini au fini, hein. C'est quelque chose qui rend possible la connaissance empirique et qui suppose quelque part qu'il y ait une foi qui permette de s'y rapporter. Alors, de manière très, très frappante, Jean Duns-Scott s'est beaucoup intéressé au paradoxe de l'infini et on lui attribue, alors je ne sais pas si c'est vraiment de lui parce que je ne connais pas, je n'ai pas tout lu de Duns-Scott, mais en tout cas on décrit assez souvent chez Jean Duns-Scott un exemple qui va vous donner, qui ressemble un petit peu à celui que j'ai mis au tableau, qui est l'exemple des deux cercles. Il y a une question que se pose Jean Duns-Scott qui est la suivante. C'est que si vous mettez un petit cercle comme ça, et un grand cercle comme ça, il semble qu'il y ait beaucoup plus de points dans le grand cercle que dans le petit. Il est plus grand. Si vous prenez un point comme ça, et que vous tracez une première droite, il semble bien, en même temps, qu'à chaque point du cercle intérieur va correspondre un et un seul point du cercle extérieur. Et que, par exemple ici, entre ces deux droites, on a l'impression qu'ici le segment est tout petit, Et comme il est produit par un déplacement continu de ce segment de droite, de cette position-là vers cette position-là, à chaque fois, il n'y a eu qu'un point ici et un point là mis en relation par la droite. Et donc, de deux choses l'une, ou bien le petit cercle contient autant de points que le grand cercle, ou bien la droite n'est pas droite. Mais, dit Jean Vinscott, enfin, c'est un raisonnement qu'on attribue à Jean Vinscott, je ne sais pas s'il y est vraiment, il y a là un problème fondamental, qui est d'ailleurs une forme du problème précédent, hein, mais bon, on peut l'écrire dans un langage algébrique qui n'est pas celui de la géométrie, mais qui a la conséquence qui sert à Jean Vinscott, d'après ce que j'ai lu, à défendre une thèse extrêmement impressionnante, selon laquelle ce que Dieu crée en un tout petit laps de temps est aussi riche en termes d'infinité que ce que Dieu crée en un immense laps de temps. Et que la façon dont Jean Vinscott s'approche de la notion d'infinité, puissance créatrice infinie de Dieu, implique l'idée que ce qu'il crée en un instant peut contenir autant, en particulier les âmes, parce que c'est ça le grand problème, c'est de savoir si le nombre d'âmes que Dieu crée, etc. Non, c'est pas. À ma connaissance, il ne parle pas du macrocosme ou du microcosme, c'est juste la quantité d'âmes qu'il crée. Il n'est pas plus difficile à Dieu, à cause de ce raisonnement-là, de créer en un très petit laps de temps autant d'être et de remplir, de saturer d'être sa création qu'en un immense laps de temps. Ce qui permet à Jean Vinscott, si vous voulez, avec un raisonnement comme ça, vous prenez un cercle qui est infini, en fait, il n'y a pas plus de points dans le tout petit au centre que dans celui qui est extrêmement loin à cause de du parcours continu et de la correspondance binive. Et donc on a l'impression trompeuse que si la création avait été extrêmement ancienne, il y aurait énormément de choses et que toute la puissance de Dieu serait d'autant plus grande que le monde serait plus ancien et qu'elle serait absolue si le monde était éternel. Et ce raisonnement vous permet à Jean Vinscott de penser, mais non, en un simple instant, il y a autant de puissance d'infini créée par Dieu en un instant qu'en la totalité des jours qui se sont passés du plus grand nombre de jours que vous pouvez imaginer. C'est là où il y a une sorte de statut ambigu de l'infinité de Dieu chez Jean Vinscott, qui est pas simplement, si vous voulez, une potentialité, mais qui est déjà une actualité, parce qu'il réussit à concevoir cette chose tout à fait étonnante, que le tout petit segment et le très grand segment ont le même nombre de points. Il a déjà accès à l'idée qu'il y a une sorte de... et pour une raison très simple, c'est que c'est du continu, et que donc le cardinal... l'aleph du continu de ce segment de droite, quelle que soit la longueur du segment de droite, sera tout à fait le même. Il réussit à le concevoir à sa façon, mais en termes théologiques. Et c'est ça que je trouve tout à fait frappant, c'est que vous avez chez lui cette idée d'une... et qui a été absolument essentielle dans la conception de ce que c'est que la puissance infinie de Dieu... cette idée qu'il y a quelque chose de contre-intuitif qui cependant peut être par une sorte de rationalité géométrique appréhendée par l'esprit humain et qui exprime la présence actuelle de l'infini, de la puissance de Dieu. Alors, ce en quoi, et ça je trouve que c'est absolument repris, je suppose même, je sais pas si, je pense que Bion connaissait ces choses-là de très près, c'est tout à fait ce que vous trouvez chez Bion. C'est-à-dire qu'il y a dans ce que Bion appelle l'infini comme infini potentiel, c'est précisément cela, c'est-à-dire cette espèce de ressource infinie qui ne dépend pas de l'apparence du grand, du petit, du moyen, mais qui est une structure interne de potentialisation. Avec une différence tout de même, c'est que justement, chez Bion, qui insiste beaucoup sur cette dimension-là, et qui insiste probablement par référence à des théologiens aussi ultérieurs, l'infini reste potentiel. Ce que Bion appelle l'infini, c'est toujours l'infini potentiel. Ça n'est jamais Dieu, ça n'est jamais God, c'est Godhead, c'est-à-dire la divinité. C'est-à-dire une puissance de devenir interne de la divinité. Un dynamisme divin où l'incomplétude et le mouvement de complétude est un mouvement qui s'accomplit progressivement. Alors c'est une idée, théologique toujours très, très complexe, hein, qui est la question de savoir si Dieu a une histoire de son processus interne de devenir Dieu. Bon. Le théologien philosophe qui a poussé le plus loin cette idée, hein, du devenir interne, de Dieu devenant Dieu et s'éprouvant devenir Dieu dans son infinité même, c'est Schelling. C'est Schelling, d'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, au moment où il fait des leçons à Berlin, qui vont être les seules leçons de philosophie auxquelles Kierkegaard assiste lors de son voyage à Berlin, c'est au moment où Schelling fait ses cours sur le rapport, qui est d'ailleurs, que c'est très impressionnant, que Schelling décrit comme un rapport d'angoisse. Il y a une angoisse divine qui est liée au caractère de processus absolument permanent d'accomplissement de la divinité. C'est-à-dire que pour Schelling, ce qui fait le vertige de Dieu, ce n'est pas son existence actuelle, c'est que son existence actuelle, il se la donne dynamiquement à tout moment. Et ce que nous appelons la liberté humaine, c'est une modalité finie, localisée et partielle de l'angoisse qu'éprouve Dieu à devenir infini. Ça, c'est absolument spécifique de l'excellence. Ça, c'est un trait qui est constant du traité sur l'essence de la liberté humaine qui est antérieur jusqu'à aux dernières spéculations théologiques de Schelling. Cette théologie du devenir absolu, qui est complètement, chez Bion, comme vous savez, très impressionnante, parce que c'est celle qui sert de réservoir à toutes les dérives mystiques, etc. Il l'appelle « eau », hein, chez Bion. Et moi, je pense que l'interprétation qui convient d'en donner n'est pas une interprétation, je dirais, bouddhico-extatique, branchée du wedge, n'est-ce pas, la donne souvent, mais une interprétation extrêmement chargée du problème de la présence, de l'existence, de la nature même de l'infini de Dieu, et de la façon de savoir si Dieu est plus infini quand il inclut en lui-même le processus par lequel il devient infini, ou si Dieu n'a besoin pour être Dieu que d'être l'actualité absolue sans le processus qui actualise cette actualité. Et qui serait vécu en quelque sorte comme une angoisse, et dont notre perception, ce qui serait l'intuition de base qui nous permet de faire de la théologie, serait justement l'expérience angoissante de la liberté. C'est ça l'idée théologique. Vous voyez en tout cas que si on rapporte à O, c'est-à-dire à quelque chose qui est cet infini potentiel, cette espèce de limite qui se repousse elle-même, hein, au bord de tous les cercles qu'elle pourrait tracer, et qui est dans une dynamique où l'actualisation ne rencontre jamais un acte qui pourrait l'achever, et ne procède pas non plus d'un acte qu'elle serait simplement en train dont elle serait simplement en train de déployer, par exemple, les conséquences ou les effets. Cette espèce de dynamisme-là, qui est un processus de divinisation plutôt qu'une existence actuelle de Dieu, et qui est infini, bouleverse totalement notre représentation de ce que c'est que la création, de ce que c'est que les bornes et les limites qu'on pourrait rattacher, y compris, n'est-ce pas, les représentations ultimes, celles que, par exemple, Lacan essaie d'attraper avec la notion de signifiant phallique, n'est-ce pas, de quelque chose qui va construire une limite entre le champ du sujet, le champ de l'autre, les deux sexes, la séparation de l'objet, l'ordre sexuel, etc. Parce que cette limite même, elle ne peut être que quelque chose qui vient après la dynamique de haut, après. Elle intervient dessus. Et la découpe suppose toute découpe signifiante. Je vous dirais tout ça, ça a des conséquences sur la pratique de l'interprétation, d'ailleurs, chez Bion. Cette découpe signifiante ne vient que sur le fond de cette actualisation dynamique. Et en ce sens, c'est pour ça d'ailleurs, au sens fort, je crois que Bion est athée. Hein, il est athée parce qu'un processus de divinisation cette espèce de mystique très particulière qui se rattache à haut, ne rencontre jamais ce à quoi on pourrait arrêter la croix. La foi, par exemple, n'est pas une foi qui vient porter sur quelque chose qui serait actualisé quelque part et auquel il faudrait arriver au terme d'un certain processus, ou donc qui serait la clé secrète de ce processus. Et en ce sens, s'il est athée, il est athée exactement comme au sens où Cantor lui-même, parce que vous savez que les nombres transunis chez Cantor, dans la théologie philosophique de Cantor, c'est que Dieu garantit aux hommes l'existence des nombres transunis et leur bon ordre. Cette hypothèse du continu dans la théologie de Cantor, c'est quelque chose qui montre quelle est la nature de ce que Dieu montre, le Dieu actuel, montre de son infinité aux hommes. Et il y a une chose qu'il ne leur montre pas, c'est l'ordinalité, c'est-à-dire qui est à l'F0, à l'F1, à l'F2, à l'F3, etc. Le principe d'ordination de ces infinis, de ces cardinaux infinis, lui, les hommes ne peuvent pas le penser. Ça aboutit d'ailleurs dans la théorie des nombres ordinaux, à des difficultés particulières. On voit bien donc, le fantôme linguistique de quelque chose qui se continuerait toujours plus, hein, ou toujours au-delà, est encore présent. Mais chez Bion, donc je le dis en passant, parce qu'on l'oublie souvent, n'est-ce pas, Cantor, hein, c'est de la théologie, hein, c'est intégré comme chez Brouwer, etc. On ne retient souvent que les morceaux de philosophie de la logique qui servent à faire souffrir les étudiants de philosophie à Sorbonne, mais c'est de la théologie. La question de Cantor, c'est une question théologique. La question de Brouwer, c'est une question à la fois théologique et intellectuelle sur ce que c'est que l'intuitionnisme comme liberté de l'esprit, une liberté créatrice de l'esprit humain. Hein, et les aspects mathématiques sont complètement subordonnés à cette visée intellectuelle et à cette ambition chez Cantor de réorganiser son propre psychisme, hein, ou d'organiser la vie psychique. Chez Brouwer, c'est encore plus manifeste. Hein, on devrait traduire d'ailleurs ces textes de Brouwer qui sont sur l'esthétique, sur la politique, etc. Les conséquences de l'intuitionnisme, c'est des conséquences qui transforment la nature même de la vie psychique. C'est pas du tout à prendre autrement. Alors, je reviens par un virage à 180 degrés aux borderlines adolescents là, qui s'entaillent, qui se coupent, tout ce que vous voulez. Si vous prenez les choses de cette manière-là, il y a manière peut-être de changer de vertex, de changer de point de vue, et en introduisant cette catégorie de l'infini potentiel, de dire qu'au fond, lorsqu'un adolescent perçoit le signifiant phallique comme arbitraire, quand il interroge l'ordre en tant qu'ordre, certainement il ne dit rien de vrai, il n'a pas une meilleure conception de l'ordre à opposer à un ordre qui serait mauvais, et pourtant ça permet d'envisager qu'il serait néanmoins dans l'élément de la vérité, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer d'existence humaine, pleinement humaine, qui ne rencontre pas à un moment le fait que quoi qu'on nous dise, cette potentialité dynamique de l'infini est là, présente, et que l'arbitraire qui est vécu n'est pas un arbitraire par déficit qu'il faudrait reconsolider en ayant recours à une transcendance, on va arrimer les choses comme ça, et c'est parti mon kiki, l'Édipe, l'idéal du père, tout ça. C'est juste de faire, de rendre justice à une authentique perception, à une intuition, en quelque sorte, qui a, et donc peut-être que l'adolescence n'est rien d'autre que cette intuition, que ce qui apparaît comme arbitraire d'un point de vue péjoratif, si vous voulez, est peut-être le moment, au contraire, où il s'agit de coordonner le fini et l'infini. Ça donne un tout autre éclairage, si vous voulez, à l'idée que la sexualité infantile, à l'adolescence, elle va être complètement remaniée avec un deuxième, un décalage interne supplémentaire, avec une amnésie, avec la mise en place de la sexualité génitale, avec toutes sortes de refoulements. Hein, c'est vrai tout ça, mais si vous le mettez dans l'éclairage de cette intuition spécifique qui constitue l'adolescence, que le fini et l'infini ont à trouver un nœud particulier à ce moment-là, je crois que ça, vous voyez, ça dissout tout ce qu'on a envie de nommer en termes déficitaires, d'errance, de passage à l'acte, de transgression, etc., comme étant simplement des moments de constitution sur lesquels il n'y a pas de porte de jugement, de valeur à porter, de ce qui va nouer chez quelqu'un le fini et l'infini. Ce qui va lui donner la possibilité d'une mort, la possibilité d'un sexe, etc., sans qu'on ait besoin, vous voyez, d'attendre qu'il se résigne au fait que l'arbitraire, c'est l'arbitraire, mais que ça va néanmoins faire norme. Vous voyez, quelque chose de ce type-là. Et donc, lorsque, par exemple, on porte un jugement négatif à partir du XVIIe siècle, après Descartes, hein, fondamentalement, sur l'idée d'indéfini. On oppose l'infini qui est véritablement actuel, qui est l'essence de Dieu, infini, alors c'est évident, ça se radicalise chez Leibniz, et puis on oppose ça à l'indéfini, où on peut toujours aller un peu dans tous les sens. Et ça, il faut bien se rendre compte qu'on ne porte un jugement péjoratif sur ce qui est en puissance, illimité, sans bord net, vous voyez, flou, etc., on ne le porte qu'à partir d'une position, on s'est donné les moyens, dans la culture et aussi dans la constitution du psychisme, d'idéaliser l'infini actuel, de lui donner sa figure théologique, de le faire tenir avec une certaine conception des mathématiques. Et je dis bien une certaine conception des mathématiques, les mathématiques faisant partie de l'équipement psychique. C'est pour ça que Bion s'intéresse à l'intuitionnisme, à Poincaré, à Brouwer, etc. Brouwer était parfaitement conscient que, vous savez, Brouwer, ce n'est pas une théorie des mathématiques, c'est une autre façon d'utiliser l'intuition mathématique. C'est tout à fait vertigineux. Ça n'a rien à voir avec des manipulations de signes. C'est une autre manière de penser qui est en jeu. C'est une libération des capacités créatrices intuitives dans la constitution de ce qu'on appelle les suites de choix libres, sur lequel je dirai un mot tout à l'heure, qui est un mode d'argumentation mathématique très particulier qui suppose un fonctionnement intellectuel spécifique. Et ce fonctionnement intellectuel spécifique, il n'a rien à voir justement avec l'habileté dans l'amaniement des symboles mathématiques. Il s'oppose à cela, hein, de manière radicale. Pour ça, lorsque vous voyez, par exemple, l'expression de logique intuitionniste, il ne faut jamais perdre de vue que la logique intuitionniste de Haïti, l'élève de Brouwer, c'est pas un contresens, c'est une récupération conventionnelle dans le langage des signes d'une théorie selon laquelle, n'est-ce pas, dans l'intuitionnisme, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de... Une double négation ne vaut pas une affirmation, on s'interdit l'usage d'un certain nombre de règles formelles sur l'aliment des signes. Et donc on peut faire des logiques comme ça. Mais ce n'est pas la logique au sens des symboles qui compte ici, c'est que les opérations intellectuelles de création mathématique obligent à un fonctionnement psychique singulier. Et Brouwer en était parfaitement conscient. Il sait bien que c'est une révolution dans l'usage même de l'esprit. Et semble-t-il, les seuls qui aient vraiment conçu ça, c'est les océaniens, c'est les phénoménologues, chez qui la pratique de la réduction phénoménologique n'est pas une pratique des concepts ou de l'argument. C'est un usage de la pensée, un usage de l'imagination, de la variation idétique, etc., du rapport à l'infini, faire varier pour regarder, pour examiner ce qui reste, de la constitution de l'objectivité par variation, dans la variation idétique, qui transforme et élève l'esprit humain en le faisant fonctionner de manière différente. Donc ça, il ne faut jamais perdre ces choses là-dessus, parce que sinon, vous voyez que la naissance de la psychanalyse ou la question de l'inconscient, il ne faut pas la déraciner du surréalisme, de l'intuitionnisme, de la phénoménologie husserlienne, c'est-à-dire de tout un mouvement où les rapports que les gens, disons, au début du XIXe siècle ont eu à leur propre fonctionnement psychique, pouvaient ouvrir des abîmes. Hein, c'est-à-dire qu'on pouvait se mettre à faire fonctionner l'esprit d'une manière dont on ne l'avait jamais fait fonctionner. Hein, c'est pas simplement, vous voyez, des théories supplémentaires ou des variations. Ça a cette espèce de caractère extrêmement réel. C'est l'appareil psychique qui est mis en mouvement. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Bion, c'est qu'on ne perd pas cette idée qu'effectivement, un psychanalyste, ça ne pense pas comme Madame Michu. C'est pas plus qu'un phénoménologue, vous voyez, ou qu'un mathématicien intuitionniste. C'est un autre agencement des pensées. Alors, on pourrait faire passer la distinction entre Bion et Lacan par bien des biais, je ne vais pas insister là-dessus, mais reprenons maintenant ce problème de l'apparition dans les années 80 des états limites, tout ce que j'ai raconté sur Kernberg, en essayant autant que possible de pas m'en moquer, en vous indiquant qu'effectivement ces choses très étranges au fond finalement. Qu'est-ce que c'est ces cures avec des gens qui vivent normalement, parfois totalement normalement, mais qui, à l'intérieur du, comme dit très bien Kernberg, où il n'y a pas de névrose de transfert, mais quelque chose qui avait une psychose de transfert. Voilà. Où le rapport à l'intérieur de l'analyse semble être complètement fou. Le patient se prend pour l'analyste, il a des phénomènes de dépersonnalisation majeurs, etc. Alors que dès qu'il a franchi la porte du cabinet, il redevient un personnage qui a jusqu'à un certain point, comme dans les personnalités narcissiques, une adaptation quasiment parfaite. Alors, ce que je voudrais essayer de relever, c'est que si on change de vertex, c'est-à-dire si on introduit cette notion d'infini potentiel avec O chez Bion, la question de l'articulation du fini et de l'infini, donc de la coupure, donc de la chute de l'objet, de la séparation individuation de chacun par rapport à la langue, etc., prend une toute autre couleur. Elle ne prend pas une toute autre couleur simplement parce qu'on a introduit un nouveau concept. C'est pour ça que j'ai fait ces grands détours sur la théologie de Duns-Scott, etc. C'est que c'est la totalité des arts-images signifiants à l'intérieur desquels nous en venons à concevoir que cet objet est un objet, qu'il est une partie d'un continu spatio-temporel, qu'il y a des limitations, que les mots, les noms, les concepts peuvent s'ordonner. C'est la totalité de ce qui permet à ce monde de contenir une infinité de choses qui sont articulées les unes avec les autres, qui changent. Il faut être extrêmement sensible au fait que, avec ce que propose Lacan, par exemple, et avec l'idée de coupure, l'idée de phallus, l'idée d'objet, l'idée d'autre, c'est toute une idée des mathématiques, c'est toute une philosophie de l'infini qui est en même temps apportée avec cela. Et qui lui donne sa prégnance culturelle, qui lui donne ses possibilités d'être évidente dans un certain registre, de se connecter, comme je disais par exemple tout à l'heure, avec le roman de formation, avec toutes sortes de choses de ce genre, hein, et qui est étroitement placé sous l'idée d'une tradition dominante en Occident, que celle de l'infini actuel, celle de la possibilité des coupures, etc. Et ça engage dans la pratique de l'analyse évidemment des questions d'interprétation absolument majeures. Parce que l'acte interprétatif, la scansion, ce qui fonctionne comme coupure, ce qui vient détacher un objet dans un mouvement qui travaille sur l'équivoque, dans le retournement, en insistant sur la dimension de la logique du signifiant, pur du signifiant, de ce que l'ordre signifiant institue comme coupure dans l'espace vivant, l'espace psychique des individus, tout ça est en continuité avec cette théologie et cette mathématique implicite de l'infini. Ça m'avait beaucoup frappé dans une discussion avec Jean Alouche sur mon dernier bouquin, où on parlait de Paramore, où Jean s'est lancé dans une grande diatribe contre le cas Paramore, en rappelant, à titre de préliminaire, mais des préliminaires qui rendent impossible la discussion, puisque c'est des préliminaires qui justement mettent en tension la totalité finalement de ce monde culturel dans lequel Bion ne se loge pas, par rapport auquel il fait exception. Et il disait, mais dans Paramore, il n'y a que du sens, il y a des flots de sens, ça n'arrête pas la signification de ce qu'il dit, etc. Et c'est même pour ça que le patient est si extraordinaire, c'est que c'est un ruissellement permanent dans lequel la possibilité de découper, de scander, d'arrêter quelque chose ne vient qu'à la fin, et sur un mode très particulier, n'est pas donné au début. On peut pas, y a pas d'équivoque, c'est un patient sans lapsus, c'est un patient comme ça qu'il y a, il n'y a pas cette dimension là. Et que donc c'est un sujet, alors c'est bien le cas de le dire, qui n'est pas coupable. En ce sens, son symptôme, le mantisme même, est une expérience. Et donc, ce qui était particulièrement frappant aux yeux de Jean dans le caractère insaisissable et ultra problématique et auquel il était par beaucoup d'aspects extrêmement hostile du travail qui était fait sur le cas Paramore, c'était que il est impossible d'y montrer autre chose que le processus de l'analyse. Et ce processus ne passe par aucun acte. Il n'y a pas d'acte interprétatif, si vous lisez évidemment, il y a des choses qu'on dit, etc. Il y a des choses qui donnent l'impression par moment de découper des moments. Mais chaque fois qu'on a l'impression comme ça de découper des moments, on perd la façon dont la cure restitue un pur processus, une pure processualité du dispositif. Par exemple, une chose qui n'a pas échappé aux lecteurs lacaniens qui m'en font part du cas Paramore, c'est qu'à part le début, n'est-ce pas, le masque à la Kennedy dans lequel je n'ai retenu que la forme de la phonation, le rythme de ce que les gens disent, ce que dit la personne, mais que le contenu, ça peut être n'importe quoi, c'est absolument pas ce que... Oui, c'est totalement indifférent, sauf que il faut entendre comment ça ne s'arrête plus. C'est ça le point. Comment le flow n'est pas coupable, justement, le flow de ce qui est dit. Bon. Il est très très bien repéré, quelque chose de ce genre, ne pouvant pas se citer, échappe complètement à la distinction énoncé-énonciation. Puisqu'on ne peut pas, par une coupure, faire apparaître, faire tomber l'énonciation, séparer l'énonciation, l'objet et l'énoncé. On ne peut pas. Et comme on ne peut pas, le propos lui paraissait insupportable, parce qu'effectivement, l'élément dans lequel se déploie l'analyse, c'est le discours indirect libre. C'est-à-dire qu'on ne, autant qu'on puisse réussir à le faire quand on écrit ce genre de choses, c'est dans l'entre-deux de « il me dit » et « je sens que ça veut dire ceci » et « il sent que je sens ceci ». Et c'est dans cette espèce d'entre-deux, de reprise, où on ne sait pas qui parle, que le discours indirect libre devient l'élément même à l'intérieur duquel se déploie le potentiel psychique de l'analyse. C'est là où se produit ce que j'appelle l'appareillage du patient à l'analyste. Et évidemment, ce qu'on ressort toujours là-dedans, mais c'est la critique traditionnelle, antipsychologique, contre le contre-transfert. Mais bien sûr, on peut tout à fait. Bion, les Kleiniens ont travaillé sur la notion de contre-transfert. Mais si vous perdez de vue que ce qui fait échapper Bion et les post-Kleiniens à l'argument naïf contre le contre-transfert, et même d'ailleurs à ce que Mélanie Klein elle-même dit, elle est contre le contre-transfert. Pour elle, c'est une. Voilà, l'identification projective, ça fait partie des défenses primitives, archaïques. Si vous perdez cette dimension de l'actualisation, de l'espace de potentialisation à l'intérieur duquel se situe l'échange et la construction du processus analytique, dans ce cas, effectivement, vous allez avoir l'impression que l'analyste donne ses sentiments sur les sentiments de l'analysant. Et que, effectivement, parce que là, on ferait comme si on avait deux individus qui pourraient être définis de manière indépendante, et on pourrait ensuite leur reprocher de mélanger des choses qui n'appartiennent en réalité qu'à l'un ou à l'autre. Or, ce qui est l'implication du changement de vertex que propose Bion, c'est que justement la réalité psychique, c'est l'illimitation de l'un à l'autre. C'est la double constitution de l'analyste et de l'analysant dans la même opération, dans cet élément particulier qu'on appelle le transfert contre transfert et dont on ne peut sortir des apories que justement en introduisant cette référence à « où », me semble-t-il. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, ça ne l'est certainement pas d'ailleurs, parce que c'est bon, évidemment, ça s'il y a des intuitions à mobiliser ici, elles ont une. Si vous voulez, elles s'appuient sur des références sexuelles, elles s'appuient sur des expériences de rêve, sur des expériences qui ont beaucoup plus trait au contact, par exemple, des expériences tactiles. Ce que vous pouvez voir chez certains patients borderline, par exemple, dans leur rapport aux limites de leur corps, ou à ce qu'ils sont susceptibles de susciter en vous d'angoisse, par exemple, en parlant par ce type de biais, par un découpage énoncé initiation. Et on ne s'en sortira pas avec une, comme Colette Solaire, avec une grande dissertation sur toutes les fois où Lacan parle de l'affect. Je veux bien qu'on dise que chez Lacan il y a des affects, mais ce qui est absolument certain, c'est que sa conception de l'infini, de l'acte en tant que tel, de l'acte et du signifiant, est absolument incompatible avec ce que je suis en train d'essayer de vous faire valoir comme étant le point de vue de Bion sur la potentialité psychique, sur O, etc. Alors maintenant, virage, en quelque sorte, et je n'aurai pas tellement le temps d'aller beaucoup plus loin ce soir, mais je voudrais maintenant parler de la normalité. En vous rappelant, c'est vrai que l'étymologie de la normalité, c'est norma, c'est l'équerre, c'est ce qui tombe justement d'aplomb, c'est la norma, c'est l'équerre, c'est la règle. En général, norma et regula sont relativement souvent interchangeables. C'est pas du tout des en latin ordinaire. C'est pas du tout des termes dont la distinction est très très claire dans tous les contextes. Pourquoi le problème de la normalité? Parce que si vous m'accordez la prémisse que je posais au début de ce séminaire, que ce qui rend la tâche de la psychanalyse très difficile, c'est que la normalité et la pathologie sont en quelque sorte co-construites dans le même environnement. Et qu'on ne disposera jamais d'une sorte de truc qu'on pourrait dire voilà la normalité, voilà ce qui dévie de la normalité, en pouvant s'appuyer sur l'un pour retrouver l'autre. Elles sont produites en même temps. Ce qui a fait la difficulté de l'émergence moderne de cette question des états limites, c'est que le type de normalité par rapport auquel on l'a construite c'était ce qu'il faut bien appeler la normalité névrotique. C'est extrêmement clair chez Kernberg. C'est-à-dire, ce sont des névrosés qui sont... Les névrosés sont accessibles à la psychanalyse, et les borderlands, il faut changer la psychanalyse. Moyennant quoi, voilà que... C'est une manière de dire que le névrosé, c'est le cas normal. Et c'est le cas normal parce qu'il est traitable par la psychanalyse normale, j'ai envie de dire. En tout cas, par la psychanalyse classique, comme il le dit. Mais on ne saurait mieux avouer à quel point... Les gens pédalent dans la bouillie quand il s'agit de caractériser la distinction entre le normal et le névrotique. Je trouve que c'est vraiment là où on le voit. Alors, vous en avez la version fin de repas à la coupole, n'est-ce pas ? On est tous des névrosés, surtout entre analystes, c'est très porté. Hein ? On est tous des névrosés, puis de toute façon, la normalité, qu'est-ce que c'est ? Et cependant, et là je suis absolument d'accord avec lui sur ce point, comme dit Jean Alouche, à nouveau, on a besoin de cette référence à la normalité pour faire tenir le triptyque traditionnel névrose, psychose, perversion. On a besoin de cette espèce de... Il faut bien sûr que le cas normal, ce soit d'être névrosé, mais il faut qu'on puisse quand même rendre normal le névrosé. Et la psychanalyse, ça consiste à rendre normal quelqu'un qui est normalement névrosé. Ça, c'est la psychanalyse classique. Bon. Donc, il n'y a pas besoin, par exemple, de tester son efficacité, parce que quand vous la définissez comme ça, rendre normal quelqu'un qui est normalement névrosé, par définition, il ne s'y passe rien. Il suffit d'en faire une, et par définition, elle marche. Puisqu'elle a rendu normal quelqu'un qui était normalement névrosé. Bon. Ce qui serait extraordinaire, ce serait de rendre un psychotique névrosé. Voilà. Bon, ça, ce serait extraordinaire. Mais ça ne se passe jamais. Et donc, quand on est pris, vous voyez, dans cette logique-là, qui est une... Ça n'a l'air de rien, je vois, mais si vous grattez beaucoup la perception naturelle, spontanée qu'ont les gens, c'est ce qui finit par leur faire douter de l'action thérapeutique de la psychanalyse sur des gens qui, comme on dit, ne sont pas très malades. Évidemment, si vous pensez que la névrose, c'est le cas normal, qu'est-ce que signifie une psychothérapie névrosée ? C'est une psychothérapie qui n'est rien d'autre que, finalement, apprendre un névrosé à parler de lui en termes psychanalytiques en disant qu'il a levé ses refoulements, dépassé ses idéalisations, je sais quoi, moi. Hein, je veux dire, en général, il ne faut pas longtemps pour ça. Plus les gens sont intelligents, plus ils le font vite, plus ils deviennent psychanalystes, plus ils reproduisent le truc, et tout va bien, jusqu'à ce que tout s'écroule. Alors, ce qui est très délicat avec ça, c'est que l'émergence de la question des borderlines, des gens comme Green, extrêmement lucides sur, et d'ailleurs parfois cyniquement lucides sur la catastrophe que ça pouvait être, cette façon de prendre par-dessus la jambe la difficulté psychothérapeutique attachée à la psychanalyse, et qui eux vraiment étaient vraiment se sont dit mais ça c'est un lieu, la prise en charge du patient borderline dans lequel on ne rigole plus, on n'est plus en train de rendre normaux des névrosés, on est confronté à quelque chose qui met en question, qui représente une déviation par rapport à la normalité névrotique. Et ça, c'est un lieu test pour la psychanalyse. C'est-à-dire, si la psychanalyse doit exister, et si une psychothérapie psychanalytique doit exister, ça va être de manière élective pour les troubles de la personnalité borderline. Donc là, c'est un enjeu qui est à la fois conceptuel, technique, dans le milieu analytique, par rapport à l'existence de la discipline dans le champ de la psychologie. Vous voyez, c'est ici qui se constitue, par rapport à l'aberration qui consiste à vouloir rendre normal quelqu'un qui est normalement névrosé. Alors, de la norme, je vais rappeler... sur la norme, à mon avis, le meilleur bouquin sur la norme est malheureusement tombé, est introuvable, c'est le livre que Stéphane Legrand a consacré à la norme chez Foucault, qui est une analyse magistrale du problème fondamental de la norme chez Foucault, puisque Foucault, c'est le penseur de la norme. Il a créé toutes sortes de néologismes, hein, la normation, par exemple, enfin, et puis des mots plus communs comme la normativité, la question de du normal et de la normale, etc. C'est vraiment le penseur de la norme, pour une raison très simple, c'est qu'il a très justement dit que la modernité, c'était le moment où on avait remplacé finalement le signifiant organisateur au lieu d'être l'origine, l'archaïque, etc., hein, comme dans les sociétés d'ancien régime, les sociétés religieuses, devient la norme dans son immanence. Et que la norme avec un N majuscule, c'est ce qui est le principe organisateur de la vie sociale dans le monde moderne. Ce qui est, en français, hein, c'est d'ailleurs assez amusant, le mot est pratiquement inconnu dans le dictionnaire du XVIIe et du XVIIIe siècle. Plein de dictionnaires qui n'ont pas d'entrée norme. Et quand l'entrée norme apparaît, c'est assez souvent comme une traduction de norme dans les sciences morales anglo-saxonnes. C'est-à-dire que c'est vraiment un mot qui est rentré dans l'usage du français de façon savante pour traduire l'économie politique et les sciences morales, les moral sciences britanniques en français. C'est-à-dire, justement, dans le moment que décrit très bien Foucault d'institutionnalisation des sciences de l'homme. C'est là où le concept lui-même va prendre une consistance qu'il n'avait pas dans le savoir classique. Alors, je vais encore rester un tout petit peu sur cette notion de norme en disant ceci. C'est que Legrand fait remarquer, à juste titre, qu'il n'existe nulle part chez Foucault de définition de la norme. Pendant longtemps, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'aller fouiller plus loin. Ça me conforte dans l'idée qu'en réalité, il n'y a pas de définition de la norme parce qu'il n'est pas capable d'en donner. En réalité, c'est pas exactement ça. Je pense qu'il y a une très bonne réponse à mon objection qui consiste à dire qu'on ne sait pas que la norme, c'est tellement un espace de sens dans la pensée moderne qu'on ne peut pas justement normaliser la notion de norme. C'est-à-dire qu'on ne saurait pas comment s'y prendre pour donner une norme de la norme, de ce qu'elle doit être dans tous les contextes. Puisqu'elle est justement au contraire ce qui permet à tous les contextes de la modernité de s'articuler les uns aux autres en présentant un air de famille, des ressemblances locales, des possibilités de transfert de technologie, de la psychologie à la linguistique, de l'économie à la biologie, etc., etc., où la notion de norme, finalement, on ne pourrait pas la normaliser. Ce serait avoir recours à une sorte de norme idéalisée et elle-même locale que de croire qu'il y a un concept de norme. C'est un terme aconceptuel qui distribue l'espace du conceptualisable dans la modernité. Et c'est peut-être, au fond, la raison positive, et non pas d'insuffisance ou de vague, pour laquelle Foucault n'a jamais défini ce qu'il appelle la norme, et montré des lieux locaux de fonctionnement de cette norme. En revanche, il y a un point qui est... Et ça, par exemple, c'est très important pour les gens qui, dans une filiation wittgensteinienne aujourd'hui, utilisent la notion de règle ou de norme, comme si on pouvait avoir un concept du concept, ou une règle de l'usage des règles, ou une règle de ce que c'est qu'une norme, une règle conceptuelle, sans être obligé à chaque fois de précisément la recontextualité dans des usages pratiques particuliers. Le grand penseur le grand génie d'ailleurs, le grand philosophe de la norme et de la règle aujourd'hui, c'est Robert Brandom, hein, dont personne n'arrive à traduire en français. Ils tombent, ils capitulent, ils sont 10, ils n'arriveront jamais, ils ont fait les 400 premières pages, mais il y a les 800 suivantes, ça va faire 6 volumes, enfin bon, ils n'arrivent pas à traduire le grand livre de Brandom, « How to make things explicit ». Mais chez Brandom, il y a cette idée qu'on peut avoir comme ça, qui est d'ailleurs en anglais très difficile, très long à lire, pas difficile, mais très long. Il y a chez Brandom l'idée qu'il y a une norme, on peut parler de la norme, de la règle, comme ça. dans un vocabulaire pragmatico-wittgensteinien très particulier. Chez Vincent Descombes aussi, il y a aussi souvent cette idée qu'on pourrait faire de la philosophie classique en utilisant la notion de norme, un peu sur un mode kantien, en quelque sorte. Il y aurait une notion de règle, une notion de la norme, et on ne serait pas obligé de s'apercevoir que ce sont ces usages essentiellement locaux qui se distribuent dans ce qu'on appelle les sciences humaines, les sciences morales, etc., telles qu'elles se sont fabriquées, qui produisent, comme ça, par voisinage, de proche en proche, très concrètement, la possibilité de s'en servir. Or, s'il y a quand même quelque chose que peut-être on peut dire de la notion de norme en général, c'est qu'on n'est jamais contraint d'obéir à une norme. Voilà. C'est là où il y a une vraie difficulté avec Foucault, c'est qu'on ne peut pas avoir une pensée du pouvoir avec la norme. Parce que ce qui caractérise une norme, c'est qu'elle est là, ou une règle, mais qu'il n'y a rien qui vous oblige à la suivre. Comme j'aime à dire, le pays du monde où les normes antisismiques sont les plus sévères, c'est la Turquie. Et il paraît que c'est absolument terrifiant, on ne pouvait rien construire, etc. C'est que si personne ne vous les fait appliquer, il n'y a aucune manière. L'existence d'une norme ne peut pas avoir de pouvoir. Il y a quelque chose, la contrainte normative, c'est un terme qui ne veut rien dire, c'est l'intellectualisation, c'est traité comme une force causale, quelque chose comme une poussée, comme une menace, quelque chose qui est fondamentalement hétérogène au registre de la contrainte. De la contrainte. Donc la norme, ça suppose des attentes. La seule chose qu'on puisse dire, c'est le pouvoir de contrainte qu'ont les attentes. Voilà. On s'attend. Ce qui est normal, c'est ce à quoi on s'attend. Mais une attente, l'attente de que, par exemple, l'attente qu'à un moment je m'arrête, que je respecte plus ou moins l'horaire, etc., exerce sur moi une contrainte qui n'est pas causale, mais qui est vraiment une contrainte normative, fonction des emplois du temps, des conventions, des règles sociales, etc. Mais elle repose sur des attentes, et aucune de ces attentes ne peut véritablement s'imposer à moi comme une pression physique ou une action psychologique modifiant quelque chose de réel à l'intérieur de moi. C'est des horizons d'attente qui permettent de penser le travail des normes. Alors, il va de soi, si vous prenez cet horizon de la question de la normalité, que le partage entre le normal et le pathologique, ce qui va manquer, pour partager le normal et le pathologique chez Bion, c'est justement une coupure préexistante au continuum. Il va manquer quelque chose qui servirait à normer a priori la différence entre ce qui reste en deçà d'une certaine limite et ce qui est transgressif. Et ça, c'est chez Bion beaucoup plus puissant et beaucoup plus ontologique, c'est même carrément métaphysique, que simplement le vieil argument freudien selon lequel le normal et le pathologique c'est relatif, que ce sont des continuums empiriques, n'est-ce pas, qu'un rêve c'est déjà comme un symptôme ou des choses de ce genre. C'est pas du tout l'idée qu'il y a des variations du normal et du pathologique qui sont des variations sur un continuum. C'est vraiment l'affirmation que pour ce qui concerne la psychanalyse, en tout cas, du normal ou pathologique, il n'y a pas de point où on puisse fixer une limite actuelle qui vaille en tant que telle. Et ça, je crois que ça n'a rien à voir, si vous prenez les choses ainsi, avec, par exemple, l'idée de tolérance. C'est pas parce qu'on est tolérant qu'à l'égard des patients, par exemple. C'est pas non plus parce qu'on a une idée souple de la différence entre le normal et le pathologique, qu'on est tous plus ou moins psychotiques, plus ou moins pervers, plus ou moins névrosés à certains moments, etc. Hein, c'est même la confusion conceptuelle qui se prend pour de l'intolérance. Mais c'est quelque chose qui n'est pas un arrangement pragmatique avec la clinique. Alors, chez Freud, il y a des lieux spécifiques où la question du normal et du pathologique est très armée sur le plan épistémologique. Est très armée sur le plan épistémologique et par le darwinisme. Alors, je vais m'étendre un petit peu sur cette question parce que ça implique, en prenant l'exemple classique de l'homosexualité, parce que ça, je crois qu'il faut se nettoyer la tête d'un certain nombre de bêtises là, qu'a laissé la planche sur le prétendu fourvoiement biologisant de Freud, qui montre à quel point les gens ne comprennent rien à Darwin et on va s'imaginer qu'on va pouvoir donner les leçons de darwinisme un professeur autrichien de biologie autrichien de la fin du 19e siècle, c'est quand même assez typique des psychanalystes français. Pourquoi est-ce que Freud a besoin d'être darwinien pour dire que l'homosexualité n'est pas anormale? Mais parce qu'il est juste, si on n'était pas darwinien, on ne pourrait pas chez Freud. C'est pour une raison absolument simple, c'est qu'aucune fonction biologique ne dicte la nature de son objet. Dans une espèce, une fonction, comme là, le fonctionnement des organes génitaux, il n'y a rien dans la nature qui indique que le fonctionnement des organes génitaux doivent avoir lieu avec les organes génitaux d'un mâle, avec ceux d'une femelle. Strictement rien. C'est même le fondement même du darwinisme que, au niveau du... Il y a la fonction, mais l'objet de la fonction ne fait pas partie de ce qui est sélectionné dans la fonction. Autrement dit, si on n'était pas darwinien, on serait obligé d'être théologien, c'est-à-dire d'aller imaginer qu'il existe un arrangement naturel entre les organes génitaux qui ferait que le fonctionnement normal d'un organe sexuel femelle, c'est d'être pénétré par un organe sexuel mâle. Or ça, c'est justement pas ce qui se passe. C'est que tout simplement, l'organe est sélectionné par les... Et en particulier ceux de la reproduction, non pas parce qu'ils contiennent chacun en eux-mêmes l'objet auquel ils doivent normalement s'appliquer, mais c'est parce que s'ils ne trouvaient pas cet objet, l'espèce s'éteindrait. Point barre. Que donc quelqu'un se serve de ses organes génitaux, qu'un individu quelconque se serve de ses organes génitaux, pour d'autres fins que celles de la reproduction, n'a strictement rien sur le plan darwinien d'anormal. La caractérisation darwinienne d'une fonction n'implique jamais que cette fonction doit avoir un objet exclusif ou privilégié. C'est justement en ce sens que le concept freudien de pulsion, qui dissocie l'objet, le but, la zone érogène et l'énergie, c'est une conception qui est totalement darwinienne. C'est une conception de physiologiste darwinien, pour qui c'est au niveau de la reproduction de l'espèce et de la conservation de l'espèce que les choses se décident. Et non, jamais au niveau de ce qui devrait être l'usage normal, la fonction normale, le contenu sémantique de la fonction telle qu'elle est. Et ça, je crois, et d'ailleurs c'est pour ça que les espèces se transforment, c'est que justement, il y a des tas de fonctions qui se mettent à fonctionner en prenant d'autres objets que ceux pour quoi elles ont été sélectionnées au départ. Des fonctions cellulaires, des fonctions, etc. Et que ça, à partir du moment où vous avez la notion de fonction, vous devez mettre totalement entre parenthèses l'idée que la fonction s'applique et ne peut s'appliquer et ne fonctionne vraiment qu'en s'appliquant à un certain type d'objet. Et donc, pour des gens profondément imprégnés de darwinisme, comme tous ces savants de la fin du 19e, il n'y a pas du tout, contrairement à ce que raconte Laplanche, un fourvoiement biologisant. C'est précisément parce que c'est un biologiste darwinien qu'il est capable de constituer une théorie de la pulsion qui est beaucoup plus biologique et beaucoup plus darwinienne que les conceptions théologiques et faussement scientifiques de la fonction impliquant la relation à un certain objet, étant chargé sémantiquement de s'approprier spécifiquement tel et tel objet. Enfin, le vertige de l'évolution, c'est qu'il y a des tas de fonctions qui fonctionnent aujourd'hui sur des choses dont, évolutivement, nous savons que ce n'est pas du tout pour ça qu'elles ont été sélectionnées aux étapes antérieures du processus. Et que se nettoyer la tête de la croyance que la sélection naturelle sélectionne non pas les fonctions, mais les objets de ces fonctions, c'est pour tous ces savants de la fin du XIXe siècle, c'est une opération intellectuelle fondamentale. C'est vraiment ce qui leur permet de constituer la physiologie savante de l'époque et de l'inscrire dans son contexte darwinien, surtout dans les pays de langue allemande. Donc vous voyez là, par exemple, chez quelqu'un comme Freud, sur la question des perversions, la question des perversions n'est pensable que parce qu'il est darwinien. Donc la réinterprétation lacanienne de la chose disant c'est le dépassement du biologique à cause de l'irruption du langage, mesurez-en bien toute la valeur, c'est pas du tout la vérité de ce que dit Freud, c'est un contresens total sur la démarche scientifique de Freud. L'idée qu'on retrouve aussi chez, comment il s'appelle, Arnold Davidson. Bon. Arnold Davidson se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, et alors je me suis même fait expliquer que, en fait, on le lui avait dit quand il avait présenté son travail sur Freud et à Princeton, il y avait un certain nombre de grands savants évolutionnistes qui lui ont dit non, mais c'est absolument pas ça, il n'y a pas du tout dans la physiologie de Freud de rupture par rapport au darwinisme. Même moi, lui avait dit, paraît-il, un des types qui discutait son livre, même moi, je penserais comme Freud avec le matériel qu'il a, et je suis darwinien. C'est pas du tout parce qu'il y a une sorte de rupture liée à la culture ou au langage qui détacherait l'objet de son fonctionnement biologique et qui le mettrait à faire fonctionner dans un registre symbolique. Pas du tout. Pour un darwinien, il est bien clair que la définition d'une fonction est par définition indépendante de l'objet naturel, entre guillemets, sur lequel fonctionne cette fonction, cette fonction. Et ça, c'est du darwinisme. Donc il paraît qu'il le savait, mais qu'il a publié quand même son livre. Arnold Davidson, lui aussi, dit que ce qui est génial chez Freud, c'est la rupture avec le paradigme biologique. En réalité, pas du tout. Et donc vous voyez que chez Freud, il y a des lieux spécifiques, mais qui sont étroitement rattachés à son darwinisme, dans lesquels il met en question la distinction du normal et du pathologique. Je crois que c'est difficile pour des Français, après 50 ou 60 ans de lacanisme et de laplanchisme, pour les plus mal lotis d'entre nous, de retrouver ce que c'est que le mode de fonctionnement d'un penseur de la physiologie du XIXe siècle. La notion de pulsion n'est absolument pas une révolution dans le champ de la physiologie pour Freud. La notion de pulsion, à cet égard, c'est l'accomplissement du message même de la théorie physiologique qui permet au darwinisme de s'appliquer à notre fonctionnement organique. Avec ceci qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a l'étape génétique qui était inconnue des gens. Ce que cet immanentisme-là, il y a un immanentisme, quoi. C'est parce qu'on est des êtres vivants. Ce sur quoi je voudrais venir maintenant, c'est qu'est-ce que ça signifierait d'appliquer de mettre en batterie un peu les notions que je vous ai élaborées sur le rapport du normal au pathologique. Je dirais que ce qui est normal, et je vais proposer ce concept-là, puis on va s'arrêter là, parce qu'il faudra que je revienne dessus, j'ai pas tellement réfléchi à la chose, c'est que les différentes formes de normalité auxquelles nous pouvons penser dans le paradigme que je vous propose, je les appellerais des amodiations de l'infini. L'amodiation, c'est un concept juridique. C'est une modalité particulière, une amodiation du fini et de l'infini. Alors, je vous donne un exemple d'amodiation. C'est quand, par exemple, on transforme en un bien cessible ou en un bien qu'on peut louer un bien inaliénable, un bien qui est un bien commun, par exemple. Alors, il y a un exemple très classique, c'est le mouillage dans un port. La mer n'est à personne, l'eau dans laquelle vous mettez le bateau n'est à personne, et pourtant on peut vous louer un emplacement où vous mettez votre bateau. Et donc le type de contrat dans lequel on vous permet de mouiller votre bateau, c'est un contrat d'amodiation, pour bien indiquer que le bien qu'on vous loue est un bien qui est en lui-même inaliénable. C'est la mer, par exemple. Si, par exemple, quelqu'un vous louait l'air que vous respirez, n'est-ce pas, ça serait un contrat d'amodiation, puisque l'air qu'on respire n'est à personne d'une certaine manière. Il ne pourrait pas vous le vendre sur le mode du contrat avec cession complète d'un bien. Et puis, il y a un deuxième usage du mot d'amodiation qui est connecté à celui-là, c'est quand on vous loue un bien avec la conscience du fait que le fait, ce que vous allez faire avec le bien va le détruire. Alors, le contrat type d'amodiation, par exemple, c'est les mines. On vous fait une concession pour du charbon, du pétrole, par exemple, en étant bien conscient qu'au bout de certain nombre d'années, vous aurez rendu le bien qu'on vous a... Vous ne pourrez pas le rendre en l'état à la personne qui vous l'a loué. Ce n'est pas comme un appartement ou une voiture, etc. Vous aurez entièrement soustrait au bien qu'on vous a loué. Donc ça implique la possibilité de la destruction partielle, en tout cas, voire totale, du bien qui vous est donné. Alors pourquoi j'ai pensé à cette notion d'amodiation ? C'est parce que le type d'articulation auquel on peut penser entre le fini et l'infini, c'est soit ce qui vous permet d'exploiter quelque chose d'infini, voire de le détruire. Et en tout cas, de vous en servir comme d'une ressource jusqu'à ce qu'éventuellement vous détruisiez cette ressource, alors que vous ne posséderez jamais la chose que vous avez mis en usage. Et ce qu'on pourrait appeler, au fond, je sais pas si je suis même clair à mes propres yeux, mais bon, je vais essayer de vous faire voir ce que j'imagine là-dedans, ce qui, au fond, ce qu'on pourrait donner comme critère du normal dans cet espace très particulier de l'infini au fini, du passage de l'infini au fini, ce sont les modalités particulières où cet infini pourrait servir de ressource. Tout ce qui peut servir de ressource, bien que l'inconscient soit d'une certaine manière inaliénable, subsiste, etc., y compris de ressources ou comme dans une mine. Hein, fournir à quelqu'un une mine d'où il puisse tirer ce dont il a besoin, ou un mouillage où il puisse ancrer son bateau. Tout ce qui peut, pour prendre mes deux images, voyez, tout ce qui peut, à cet égard, construire un dispositif d'amodiation produirait ainsi une normalité. Et ce serait au fond la seule espèce de normalité qu'on puisse imaginer. Que quelqu'un trouve dans une analyse un port ou une mine. Et alors, je vais parler d'eux en même temps, hein, si vous m'en droit, sinon ça va faire peut-être. Ça pourrait couler, etc. Alors, je reviendrai là-dessus, hein, je ne sais pas d'ailleurs si je reviendrai là-dessus, parce que ça me paraît un peu farfelu maintenant que je le dis. Parce que quand je l'ai écrit, ça me paraît vachement bien, mais maintenant je suis moins sûr. Je ne dis pas du tout, par exemple, que la question de l'identification paternelle. C'est-à-dire de l'identification paternelle et la chute de l'objet tita dans leur complémentarité classique comme description de la fin du processus de la cure chez Lacan et chez les Lacaniens. Je ne dis pas du tout que ce ne soit pas une amodiation. Mais mon idée, c'est plutôt que, quelle que soit... la force de ce modèle-là, il y a une autre façon de concevoir ce modèle comme étant un des paradigmes possibles de la production de quelque chose qui serait normal par rapport à du pathologique. Et que le test que je propose, ce serait au fond... particulièrement avec les pathologies borderline ou avec ce type de difficultés qu'on rencontre avec certains patients, ce serait pas simplement de dire que ce sont des gens chez qui Il est extrêmement difficile d'obtenir quelque chose comme une séparation, individuation, parce que très souvent, dès qu'on s'approche de la question de l'objet, il y a des passages à l'acte, et que de toute façon, la question de l'identification paternelle, elle ne va pas bien fonctionner. Ce n'est pas parce que ces gens auraient des structures différentes, c'est parce que il existe d'autres amodiations thérapeutiques et psychothérapeutiques que celles qui sont étroitement soumises au modèle de la résolution de l'Œdipe dans la psychanalyse. Et c'est donc les différentes façons d'articuler l'infini au fini, par amodiation, qui, à mon avis, permettrait de les percevoir. Alors ce que ça implique, ce serait justement donc de se donner les moyens, dans les histoires de borderline, de ne pas décrire de manière déficitaire les errances, ce qu'on appelle les passages à l'acte, voire même des choses qui sont quand même médicalement considérées comme pathologiques, les automutilations, les intoxications, des choses de ce genre. C'est d'être capable, au fond, comme on fait toujours avec n'importe quel symptôme, d'aider un patient à leur rendre justice. Moi, j'aime beaucoup cette idée, cette idée qui me guide constamment, n'est-ce pas ? Est-ce que un patient est devenu capable de rendre justice à ses symptômes ? Et par là même, de se rendre justice du fait que ça ne lui est pas arrivé par hasard, ou comme un truc extrinsèque, mais comme quelque chose où il a témoigné de ses propres capacités créatrices inconscientes pour fabriquer, même s'il avait 2 ans ou 16 ans, ce truc-là. La grande difficulté, c'est lorsqu'on se trouve confronté à des patients où le symptôme auquel ils conviennent, il faut qu'ils rendent justice, est un symptôme qui impressionne tout le monde, hein, comme dans les histoires de passage à l'acte majeur, de transgression, etc. Et donc, c'est le premier point sur lequel je conclue, la question des amodiations, c'est la question de savoir, par exemple, dans quelle mesure certaines formes de symptômes peuvent être soumise à cette règle selon laquelle il faut se rendre justice de les avoir inventés et par là même devenir éventuellement capable d'en faire une ressource, un mouillage, un lieu, d'où quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable. Non, ça n'a pas, je n'ai pas du tout en train de dire que c'est agréable, c'est ça, rien à voir avec l'agréable ou le désagréable, mais en tout cas où un sujet peut justement jeter l'ancre et s'y tenir, quand bien même ce serait spécialement désagréable. Mais il me semble aussi qu'en arrivant à déplacer suffisamment le champ de ce qui est psychothérapeutique jusqu'à penser, n'est-ce pas, en termes comme ça d'amodiation du fini à l'infini, ce que Bion nous propose, des choses qui sont totalement au-delà des descriptions habituelles de ce que c'est que la guérison en psychanalyse. Un des critères n'est pas simplement la transformation psychothérapeutique des choses, c'est que tous les concepts qui nous permettent en général d'articuler le fini et l'infini, notamment les concepts théologiques, les concepts scientifiques, les concepts mathématiques, esthétiques, éthiques, etc., doivent bouger en même temps. C'est la pierre de touche du fait que ce qu'on est en train de faire, c'est pas du blabla. C'est-à-dire que en même temps que s'opère ce processus de guérison, c'est tout le monde appréhendé du nouveau vertex de l'infini potentiel qui est susceptible de basculer et de permettre l'apparition de nouvelles catégorisations, de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de nouvelles créations de la part du sujet. Et vous voyez ainsi qu'on ne peut pas inventer les conditions de la fin de la cure sans, d'une certaine manière, venir à en toucher sur des points fondamentaux aux ancrages ultimes de ce qui fait que le monde est un monde. Et en particulier, sur cette question de l'articulation de l'infini au fini. On ne peut pas. Et c'est, alors, chez Lacan, vous le savez, c'est vraiment quelqu'un qui insiste beaucoup, pour ça qu'il parle de théologie, des mystiques, de la plus grande poésie, de la philosophie, de l'idéalisme allemand, etc. On ne peut pas, parce que si on dissocie les choses de ça, on ne se rend pas compte de l'enjeu qu'il y a à cacher dans le symptôme le plus absurde, le plus singulier, qui vient pourrir une vie individuelle. Ce qui est, mais ce que je suggère ici, c'est qu'il existe d'autres points de vue que celui dont Lacan est parti, et en particulier celui de l'idée de cette coupure, de cette pratique de l'interprétation, de cette supposition du primat de l'acte, en particulier dans l'interprétation analytique, etc. Et que je crois que chez Bion, donc vous avez, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'on va appeler après personnalité schizoïde, les borderlines, etc., qui a trouvé quelques moyens d'indiquer d'autres entrées sur ce problème-là. Voilà. Bon, ça m'est pénible, hein, j'essaie d'avancer comme je peux, on verra voilà, si ça résiste jusqu'au mois d'avril, ce que je vais raconter. Peut-être une observation, une remarque, je sais pas. Le bouquin de Brantôme, il a été très bien. Il est mais juste la première partie, non? Non, les deux. Il est sorti les deux. Ouais. Ah ben, je savais pas. Je n'ai entendu parler que des souffrances des traducteurs et je ne savais même pas que. C'est pour rendre explicite. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors pour ceux qui... il fait 600 pages en anglais, il y a un petit bouquin qui s'appelle « How to make things even more explicit hein, » qui fait 100 pages. Il a bien compris. Non ? Bon, ben écoutez, merci de... Écoutez.